بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soit sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne que les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, ayyuhal ikhwa, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariyya, dans l'explication de Ad-Durar al-Bahiyya de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc la semaine passée, nous nous sommes arrêtés dans le Babu al-Hayd, le chapitre des menstrues. Et ce chapitre fait partie du grand chapitre de la purification. Et nous avons vu la définition de al-Hayd dans la langue arabe, qui veut dire as-sayalan, l'écoulement. Al-haydu, ça veut dire l'écoulement. Et dans la sharia, le hayd, c'est damun jibilla. C'est un sang naturel, yakhruju, qui sort min aqsa rahim al-mar'a, dans le fond du fœtus de la femme, après bulughiha, après qu'elle soit en état de puberté, ala sabil as-siha, et cela vient lorsqu'elle est en bonne santé, sans qu'il n'y ait de sabab, de cause connue. Et nous avons ainsi parlé un peu du haïd, avec la parole de l'imam Shawkani qui dit فَزَاتُ الْعَدَدِ أَوْ الْعَدَدِ الْمُتَقَرِّرَةِ تَعْمَلُ عَلَيْهَا. Avant cela, il dit, لم يأتي بتقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. Il dit, aucun argument dont on peut se baser dessus n'est venu sur le nombre exact, c'est-à-dire la période qu'une femme fait dans le haït, dans le menstrué. C'est-à-dire, aucun argument n'est venu montrer le plus petit nombre de jours, ni le plus grand nombre de jours. Donc, il a dit ici, il est lam yasihu fi shay, rien n'est venu de façon authentique. Ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si rien n'est venu, certains savants se sont basés sur la réalité des femmes, waqi un-nisa, et chacun a parlé selon ce qu'il connaît. D'autres aussi se sont basés sur des ahadiths, dont on dit que la période du menstrué pour la femme, c'est 5 jours, d'autres disent 7 jours, d'autres disent 3 jours. À la Kulehal, chacun a parlé selon l'actualité et la réalité des femmes qu'il voit autour de lui. Mais un ensemble de savants, parmi ceux-là, il y a l'imam Shawkani. Ils disent que il n'y a pas de preuves qui montrent le plus petit nombre de jours ou le plus grand nombre de jours concernant la période des menstrues. Donc le cheikh, l'imam Shawkani, il dit « Fazatu al-adat al-mutaqarrira » Celles qui ont des habitudes répétées, c'est-à-dire concernant le nombre de jours qu'elles ont. C'est-à-dire, si elle fait les menstrues 4 jours, elle a l'habitude de faire ces 4 jours chaque mois. Donc, elle se base sur son habitude. Même si, souvent, le sang vient après les 4 jours, elle se base sur son habitude, si elle ne connaît pas la différence des sangs, comme nous avons vu la semaine passée. Surtout lorsque la femme est mustahaba. Al-istihaba, c'est le sang qui coule, qu'on appelle l'écoulement qui est constant. C'est-à-dire, ce n'est pas les menstrues ni les louchis, mais c'est une maladie qui atteint souvent certaines femmes. Après les menstrues, il y a un autre sang qui vient. Donc, si ce sang-là vient et que la femme n'arrive pas à connaître la différence entre les deux sangs, alors, elle se base sur al-ada al-mutaqarrira. C'est-à-dire, l'habitude qu'elle avait dans le haït. Si c'est 4 jours, elle se base sur ces 4 jours. Et lorsque ces 4 jours arrivent et que le sang ne s'est pas arrêté, alors elle se purifie et elle prie. Ma femme, si elle ne connaît pas, ولكن le cheikh Mohamed bin Salih al-Husseymin rahimahullah dans son livre sa risala, une petite risala qui est nommée Ad-Damu At-Tabi'i, le sang naturel, il a dit dans cette risala que la femme doit regarder ce qu'on appelle al-qissatu al-bayda, le liquide blanc qui généralement vient après les menstrues. Donc, lorsque ce liquide-là vient, c'est le djoufouf, ça sèche. Dans ce moment, les menstrues sont finies. Et maintenant, si elle voit un liquide qui est jaunâtre, ou bien qui est un peu comme noir, alors, c'est dans cela que le cheikh Ousseymine apporte le hadith de Umm Salama. Avec d'autres femmes à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait Kunna la na'uddu as-sufrata wal-qudrata ba'da tuhuri shay'a. On ne considérait pas les jaunâtres ni ce qui est un peu noir après la purification. Ce qui veut dire que si après le qissat al-bayda, le liquide blanc, il y a des jaunâtres et ce qui est un peu noir, alors en ce moment, elle ne doit pas considérer. Mais ici, l'imam Shawkani, il a résumé, et le cheikh Ali Ramli aussi a résumé le char. Il n'a pas mentionné tout cela. Donc, il n'y a pas de période qui est connue dont la femme doit faire les menstrues dedans, de façon, yani, al-mu'tamid al-dalil, qui est basée sur la preuve. Donc chaque femme connaît sa période. Elle se base sur sa période si elle ne connaît pas la différence entre les sangs. Mais si elle connaît la différence entre les sangs, alors, tandur ilayha, elle regarde cela. Ensuite, al-mustahada, celle qui a l'écoulement constant. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la différence entre le sang des menstrues et le sang de al-istihada, l'écoulement constant. Donc si elle arrive à connaître la différence, alors lorsque ce sang arrive, elle délaisse là, elle se purifie et elle prie comme les autres femmes. Mais celles qui ne connaissent pas les différences entre les sangs, comme les jeunes filles, et celles qui ne sont pas encore, c'est-à-dire qui ne connaissent pas la différence, alors elles se basent sur al-qara'in, c'est-à-dire les rapprochements au niveau des moments qu'elle a eu à faire dans les menstrues. Il y a certaines aussi qui, comme on a dit, n'arrivent pas à connaître la différence entre les sangs. Donc si elle n'arrive pas à connaître la différence entre les sangs et qu'elle n'a pas aussi adatul mutaqarrira, c'est-à-dire souvent, elle a 3 jours, souvent 4 jours, souvent 5 jours. Alors qu'est-ce que cela doit faire? Cela doit regarder l'habitude de période des menstrues au niveau des femmes qui sont autour d'elle, surtout lorsqu'elle est jeune, une jeune fille. C'est-à-dire, elle regarde sa sœur ou sa mère et elle applique maintenant le nombre de jours qu'elles font dans les menstrues. Donc, c'est là que nous sommes arrêtés la semaine passée. Alors, le cheikh dit, « وَقَوْلُهُ وَتَغْسِلُ أَسَرَ الدَّمِ » Elle lave les traces du sang lorsqu'elle veut se purifier. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit faghsili anki dam wa salli. Lave le sang et prie. Wa huwa fi sahih. Et ce hadith est dans l'authentique de l'imam Bukhari. Alors ici, wa qawluhu wa tatawadda li kulli salat. Alors, elle prend les ablutions pour toutes les prières lorsque elle est musabatun bil istihada. Elle est atteinte par l'écoulement constant. Ici maintenant, nous parlons de l'écoulement constant. C'est-à-dire les femmes qui ont l'habitude de voir du sang, qui ne sont pas les sangs de menstrues. Ma femme? Donc, celle-là, elle prend les ablutions pour chaque prière. Comme cela se trouve dans l'authentique de l'imam Bukhari, min hadith Hisham ibn Urwa, an abihi an Aisha. D'après Aisha radiallahu anha, qalet, elle dit, جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. Fatima bint Abi Hubaysh est venue إلى النبي صلى الله عليه وسلم au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم فقالت. Elle a dit, إني امرة استحاض أو استحاض فلا أطهر. C'est-à-dire, je fais les menstrues et je ne me purifie pas. Afa ada ou sola, est-ce que je dois délaisser la prière? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la, innama zalika irqun. Il dit, cela n'est que hémorragie. Erkon imana hémorragie. Ici, elle est atteinte par ce qu'on appelle al-istihada. Elle a l'écoulement constant. Elle vient poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle doit délaisser la prière? C'est-à-dire, si elle est dans l'istihada 30 jours sur 30, est-ce qu'elle doit délaisser la prière? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, là, non. Innama zalika irq. Cela n'est que hémorragie, c'est-à-dire écoulement. Wa laysa bihayd. Ce n'est pas les menstrues. Fa idha aqbalat haydatik. Si tes menstrues arrivent, fada isola. Délaisse la prière. Wa idha adbarat. Et si les menstrues s'en vont, farsili anki dam, lave le sang, summa salli, ensuite prie. Donc ici, dans ce hadith, il y a une preuve qui montre que si la femme constate que le sang des menstrues qu'elle connaît est parti et qu'il y a un autre sang qui est venu, alors elle ne doit pas considérer ce sang-là comme les menstrues. Elle doit laver le sang et maintenant elle prie. Mais si, comme on a dit, elle ne connaît pas la différence, voici le miqyas qu'elle doit utiliser. Si elle ne connaît pas la différence entre les deux sangs, alors al-ada al-mutaqarrira. Elle se base sur son habitude répétée. Ça va? Maintenant, si elle n'a pas d'habitude répétée, chaque fois, souvent elle fait 3, 4, 5, alors en ce moment, elle se base sur l'habitude des femmes autour d'elle. Ça va? Elle se base sur l'habitude des femmes autour d'elle. Maintenant, si après cela, elle se purifie maintenant et qu'il y a du sang qui coule encore, alors voilà la solution que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a donné ici à Fatima bint Abi Hubayj. Naam. Naam. C'est-à-dire, elle se base sur l'habitude. Si elle demande à sa mère combien de jours elle fait dans les menstrues, sa mère lui dit 4 jours. Elle se base sur cela. Ça va? Elle se base sur cela. Maintenant, elle attend 4 jours. Et maintenant, après les 4 jours, s'il y a du sang, elle se purifie. Elle se purifie. Elle fait la janaba. Maintenant, si elle a fait la janaba, qu'elle commence à prier, maintenant, si le sang vient après cela, elle fait seulement que les ablutions. Ça va? Elle fait seulement que les ablutions. Cette masala fatigue beaucoup les femmes. Mais elles doivent se baser sur ce qui a été dit ici. Si elle a une ada mutakarrira, elle se base sur cela. Une habitude répétée. Ou si elle connaît la différence entre les sangs. Comme le Cheikh Ousseymin, rahimahullah, dans sa risala, il a dit, Iza ja'at al-qissat al-bayda, le liquide blanc. Après les menstrues, il y a un liquide blanc qui vient. Souvent, généralement, les femmes, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais celles qui connaissent, lorsque son nombre de jours arrive, elles vérifient si le liquide blanc est venu. Si c'est venu, alors, elle fait le lavage, elle se purifie, et elle commence à prier. Après cela, maintenant, si le sang revient, c'est un peu jaunâtre, ou bien un peu noir, ça ne ressemble pas à la couleur du sang. On connaît très bien la couleur du sang. C'est rouge. Ça va? Si ça ne ressemble pas à cela, alors, elle ne considère pas. Et maintenant, si ça ressemble à cela, elle ne considère toujours pas. L'imada, parce qu'elle s'est déjà purifiée. Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Voici Al-Mizan. Donc ici maintenant, Qala Ay Hisham. Hisham dit, Qala Abi, mon père a dit, Ay Urwa, c'est-à-dire Urwa. Summa tatawaddai, ça vient dans une version, tawaddai, li kulli solat. Ensuite, prends les ablutions pour chaque prière, hatta yaji azalika, jusqu'à ce que cela, l'heure, le moment de ton haïd vienne. C'est-à-dire quoi? Si elle s'est déjà purifiée, que le sang vient encore, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prendre les ablutions. Elle prie. Elle attend encore jusqu'à ce que le moment de son haïd arrive. Parce que le mois, c'est combien de jours? 30 jours ou bien 29 jours. Mais à la cour des halles, nous calculons 30. Masalan. Si elle fait 4 jours de mensuri, elle se purifie. Elle doit prier combien de jours? 26 jours. N'est-ce pas? Donc si ces 26 jours finissent, alors elle rentre dans sa période de mensuri. Même s'il y a du sang qui vient toujours, parce que le sang sera toujours présent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans sa période de mensuri. Elle fait encore 4 jours, et ensuite, elle se purifie, elle prie 26 jours, ainsi de suite. Ma foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, ensuite maintenant, elle prend les ablutions pour chaque prière, lorsqu'elle se considère en état de pureté, c'est-à-dire n'est pas dans les menstrues, jusqu'à ce que le moment du menstrue prochain arrive. Maintenant ici, اختلف أهل العلم في هذه الزيادة الأخيرة. Les savants se sont divergés au sujet de cet ajout-là qui est dans le hadith, qui est quoi? ثم توضئ لكل صلاة. C'est une ziyada qui vient dans Sahih Bukhari. Maintenant les savants se sont divergés. فبعضهم قال, d'autres disent, هي من قول النبي. D'autres disent que c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. والبعض قال هي مدرجة. Il y a d'autres qui disent c'est مدرجة. مدرجة c'est une autre parole qui a été ajoutée à la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et ils disent que c'est مدرجة et c'est la parole de Urwa, celui qui a rapporté le hadith de Aïcha رضي الله تعالى عنها. Alors ici, وَأَشَارَ مُسْلِمْ. Mais Muslim a montré ici, il a أَنَّ حَلْفَ زِيَادَةِ الْأَمْرِ بِالْوُدُو فِي الْحَدِيثِ عَمْدًا. Il dit, ici Muslim, lui, il a supprimé cette ziyada qui vient dans le hadith. Et il a montré qu'il a fait cela sciemment. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est مُدْرَجَة. C'est la parole de Urwa. Et ce n'est pas la parole de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Cheikh Ali Rami dit, والصواب, ce qui est correct, أنها زيادة ضعيفة. C'est un ajout qui est ضعيف, qui est faible. فقد روى الحديث جهابذة أصحاب هشام. Donc, on rapporte les hadiths des grands savants parmi les Ashab de Hisham ibn Urwa, celui qui a rapporté les hadiths. Et ils ont, les grands savants qui ont étudié avec celui-là, ils n'ont pas mentionné cette ziyada-là. Donc, c'est une preuve qui montre que la ziyada est doïf. وَالْبَعْدُ زَادَهَا بِاللَّفْزِ. Certains ont juste ajouté le lafz. وَتَوَضَّئِ وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ صَلَةٍ. Et n'ont pas dit pour toutes les prières. وَهِيَ الَّتِي أَشَارَ مُسْلِمْ إِلَى هَذِهَا. Et c'est ce que Muslim a montré qu'il a supprimé dans son Sahih Muslim. Et le Cheikh Ali Rami, Hafizahullah, il dit. Le Cheikh Ali Rami, Hafizahullah, il dit. Il dit, فَالَّذِي يَظْهَرُ لِي. Il dit, ce qui m'apparaît à ce sujet, c'est que annaha fatwa li Urwa, que c'est une fatwa qui vient de Urwa. C'est-à-dire, la femme qui est dans l'istihada, le fait que Urwa dit, le fait qu'il dit ici, fatawadza'i li kulli salah, elle prend les ablutions pour chaque prière. Ça va? Donc, il dit ici que c'est la fatwa de Urwa. Kana yufti biha ba'du man haddasa al-hadith. Il donnait cette fatwa à ceux, certaines personnes à qui il leur rapportait ce hadith. Wallahu a'lam. Donc, Allah est le plus savant. Donc, Cheikh Ali Ramli, il dit ici que cette ziyada, qui est watawadda'i li kulli sola, prend les ablutions pour chaque prière. Si tu es dans al-istihada, c'est-à-dire l'écoulement constant, prend les ablutions pour chaque prière. Alors, le Cheikh Ali Ramli dit, Urwa, il disait cela aux gens qui leur rapportaient ce hadith. Wabina'an ala zalik, si on se base sur cela, que cette parole n'est pas authentique, venant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est mudraja. Alors, si on se base sur cela, fala yajibu, le Cheikh Ali Ramli, il dit, il n'est pas obligatoire, ala al-mustahada, à la femme qui est en état, al-mustahada, la femme qui est dans la maladie de l'écoulement constant, wa man bihi salsalatul baul, et celui qui a l'urine, l'écoulement de l'urine constant, al-wudu li kulli sola. L'ablution pour chaque prière, ce n'est pas obligatoire. Qala bihada, a dit cela, Rabbi qui est le chef de l'imam Malik, ainsi que l'imam Malik lui-même. Et le Cheikh Ali Ramli dit, wa huwa as-sawab, inshallah. Il dit, c'est ce qui est as-sawab. Donc ici, le Cheikh Mohamed bin Salih al-Husseymin, rahimahullah, il a donné des détails à ce sujet. Car si nous disons la parole bit-itlaq, certaines personnes vont prier sans être en état de purité. Parce que le Cheikh Ali Ramli, il a dit ici, et il s'est basé sur ce que le Cheikh de l'imam Malik a dit, que Rabbi, ainsi que l'imam Malik, et il a dit que c'est le sawab, ce n'est pas obligatoire pour celui qui a salsalatul baoul, c'est-à-dire l'urine constante, il urine de façon constante, souvent, il peut même uriner sans s'en rendre compte. Et aussi, celle qui est al-istihada, qui a l'écoulement constant, de prendre les ablutions à chaque prière. Il dit que ce n'est pas obligatoire. Alors le Cheikh Husseymin, rahimahullah, il vient avec ce hadith-là, et il dit al-musabu, ceux qui sont atteints par cette maladie sont de deux sortes. Il a qu'un mustamir indahu. Si cette personne a un écoulement qui est constant, mustamiran, ça ne s'arrête pas. Chaque fois, il sent que le sang, c'est-à-dire la femme, elle sent que le sang vient. Ou bien l'homme, chaque fois, ou bien la femme qui a l'urine constante, elle sent que l'urine vient à chaque fois. Alors le Cheikh Husseymin dit, Haza la bout, fayatawakda li kulli wakti sola. Il prend les ablutions pour chaque heure de la prière. Parce que son écoulement est vraiment constant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, Ammasani, quant au deuxième, si yatawakaf, ça s'arrête souvent. C'est souvent ça vient, souvent ça ne s'arrête pas. Alors il arrive maintenant à savoir si c'est venu ou pas. Il arrive à savoir. Alors en ce moment, lui, on lui dit que ce n'est pas obligatoire pour chaque prière. Pourquoi? Parce que souvent, il constate que il n'a rien, rien n'est venu. Est-ce qu'il prend les ablutions? Là, il ne prend pas. Al-amru ala hada. Mais si nous disons la parole que l'imam Cheikh Ali Ramli ici, sawaba, il a dit que c'est sawab, alors nous allons dire de façon globale, ça veut dire toute personne qui est dans cet état-là, il n'est pas obligatoire pour lui. Même s'il sent et qu'il doute et qu'il ne vérifie pas, alors Rubama, celui-là, il peut prier sans l'ablution. Mafoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Qala rahimahullah. C'est-à-dire l'imam Shawkani dit, wal ha'idu la tusalli wa la tasum. Celle qui est en état de menstruer, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. L'imam rawada fi sahihayn, à cause de ce qui a été rapporté dans les deux authentiques. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala fil mar'a. Il a dit au sujet de la femme, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. N'est-ce pas que si la femme, elle est amoncerie, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Donc cela montre que si la femme est en état de menstruer, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Voilà tout. Et on ne fait pas le coït avec elle. Hatta tartasila ba'da tuhri. Après que elle se lave après la purification. C'est-à-dire ici, il dit, lorsque la femme est pure, la purification c'est quoi? C'est une kippa ou dam. C'est-à-dire la cessation du sang. Le sang cesse. Hada tohur. Maintenant, lorsque elle a un état de pureté, c'est-à-dire l'homme ne doit pas s'approcher d'elle jusqu'à ce qu'elle fasse le grand lavage. Ça va? Voyez. Aïla tujame, au tujama, on ne fait pas le coït avec elle, hatta tartasila ba'da tuhri, jusqu'à ce qu'elle se lave après la purification minal haidi de mansuri. Le qawlillahi tabaraka wa ta'ala, à cause de la parole d'Allah, wa yas'alunaka anil mahid. Il te pose la question au sujet des femmes à mansuri. Qul, dit, huwa adha, c'est un mal. Fa'atazilun nisa fil mahid. Écartez-vous des femmes en état de menstruer. Cela veut dire quoi? On n'agit pas comme les juifs qui mettaient la femme quelque part dans une maison lorsqu'elle est en état de menstruer. La tatbakh, elle ne prépare pas. Wala yaqulu ma'aha, il ne mange pas avec elle. Il la laisse isolée jusqu'à ce que elle se purifie. Donc, fa'atazilun nisa fil mahid. Écartez-vous des femmes dans le mahid, c'est-à-dire, écartez-vous d'elles au lit, dans le coït. Wa illa, cela a été rapporté de façon authentique, que à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kana yatamatta bi Aisha. Il prenait du plaisir avec Aïcha en état de mansuri. Mais il a al-jima, sauf le coït. Ça va? Donc, Adam a foum. Donc, fa'atazilu nisa afil mahi, ça veut dire quoi? Du coït. Lorsqu'elle est en état de mansuri. Wa la taqrabuhunna, ne vous approchez pas d'elle. Cela veut dire quoi? Au coït. Pas, tu t'approches pas, tu la touches pas. Ça va? Hatta yatuhorn, jusqu'à ce qu'elle se purifie. Fa ida tataharna, si elle se purifie, fa tuhunna. Venez, c'est-à-dire approchez-vous de ces femmes-là, min haïsu amarakumullah, de là où Allah vous a ordonné. Ça va? Inna Allah, car Allah, yuhibbu tawwabina, il aime ceux qui se répandent, wa yuhibbu al-mutatahirin, et Allah aime ceux qui se purifient. Wa liqawli sallallahu alayhi wa sallam, et à cause aussi de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, isna'u kulla shay, faites tout avec la femme en état de menstrue, illa nikah, sauf le nikah. Le nikah ici c'est quoi? Al-jima, le coït. Ka min ma'ani nikah al-jima. Wa min ma'ani jima al-nikah. Ça va? Illa nikah, sauf le coït. Mafoum, Ces hadiths viennent en Sahih Muslim et c'est le hadith d'Anas. Ensuite, قال رحمه الله l'imam Shawkani il dit وتقضي الصيام, elle rembourse le jeûne. Mais est-ce qu'elle rembourse la prière? Là, à cause du hadith de Aïcha radiallahu anha, سألتها مرأة, une femme lui a posé la question. فقالت أتجدي إحداهن الصلاة وإذا طهرت, mais pourquoi l'un d'entre nous ne prie pas si elle ne rembourse pas la prière et elle rembourse le jeûne? فقالت أحرورية أنت, tu es haruri? Haruri c'est le khawarij. Donc est-ce que tu es khariji? Aïcha lui pose la question. Elle dit là, innama as'al, je ne fais que poser la question. Oh Tayyib, Aïcha lui répond maintenant. Kunna nahidi ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, on était en état de menstruer à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fala ya'muruna bihi, il ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Wa fi riwayati, dans une version, kana yusibuna dhalik, c'est-à-dire les menstrues nous atteignaient, fa nu'mar, on nous ordonnait bi qada'i sawmi, de rembourser le jeûne, wa la nu'mar, mais on nous ordonnait pas bi qada'i à ce soir-là, de rembourser la prière. Ma foi. Walam yukhalif zalika ghayr al-khawarij. Personne n'a contredit cela en dehors des khawarij. C'est-à-dire, c'est les khawarij seulement qui ont contredit cela. Li'annahum ashabu ghulu. Là, ils sont des exagérateurs, watanatu, et des gens d'excès. Ils dépassent les limites. C'est cela qu'on dit qui dépasse les limites. Ma managoulou. L'exagération, ça veut dire quoi? Mouja waza. Hein? Dépasser les limites. Alama shuria. Dépasser les limites sur ce qui a été légiféré. Ça va? Si tu dis à quelqu'un, la taqrabu zina, anta jita bil ghulu, tu es venu avec ghulu, la taqrabu zina, ne t'approche pas de la zina. Ça va? Si tu dis à quelqu'un, la ta'ti bil bida, ne viens pas avec les innovations, bida tu maulid, par exemple, ne le fais pas. Et il dit, antum, vous, ashabul ghulu, vous exagérez. Maman al-ghulu. Ghulu, c'est le fait de dépasser les limites. Donc si quelqu'un te décrit d'exagérateur, pose-lui la question. Qu'est-ce que tu as fait qui a dépassé les règles ou bien les tests de la charia? N'est-ce pas? Nassallallahu alayhi wa sallam. Faslun. Donc, le sous-chapitre encore. Qala, il a dit wa nifasu aktharuhu 40 yawman wa la hadda li aqallihi wa huwa kal hayd. Il dit le nifas qui est le louchi, le sang qui vient bas de wilada après l'accouchement. Il dit aktharuhu, c'est-à-dire son plus grand nombre de jours, c'est 40 jours. Et il n'y a pas de limite pour son plus petit nombre de jours. Ça va? Il n'y a pas de limite déterminée. Son plus petit nombre de jours. Car certaines femmes, après l'accouchement, deux jours après, d'autres même 3 jours, d'autres même 1 semaine, d'autres même 2 semaines. N'est-ce pas? Mais il dit, aksaru, son plus grand nombre de jours, c'est 40. Mais on va voir ici les paroles aussi des ulama à ce sujet. D'autres aussi disent plus que cela. Mais l'imam Shawkani, lui, a limité le plus grand nombre de jours à combien? 40. N'est-ce pas? Mais il dit le plus petit nombre de jours n'est pas spécifié. Ça va? Toyib. Taqaddama ta'rifu an-nifas. On a déjà vu la définition de an-nifas. Wa huwa damun yakhruju min al-mar'a. C'est un sang qui sort de la femme inda al-wilada, lorsque la femme accouche. N'est-ce pas? La hadda li aqallihi. Il n'y a pas de limite déterminée pour son plus petit nombre de jours. Kama qala al-mu'allif ala sahih. Comme le mu'allif a dit de façon authentique. Wa idha lam tara ad-dam aslan, si la femme après l'accouchement elle n'a pas vu même de sang, taghtasil wa tusalli, elle se lave et prie. Car il y a des femmes comme ça, aslan même elle ne voit pas le sang après, à part le sang de l'accouchement. Après cela elle ne voit plus de sang, ça va? Donc en ce moment qu'est-ce qu'elle fait? Taghtasil wa tusalli. Elle se lave et elle prie. Wa qala al-ba'd, mais certains savants disent tatawadda, elle prend seulement les ablutions, wa tusalli wa la ghasla 'alayha. Elle ne doit pas se laver. Mais ce qui est as-sahi al-ghusl. Ça va? C'est le ghusl. Wa amma aktharuhum, quant au plus grand nombre de jours, fa qila kama qala al-mu'allif. Il a été dit comme l'auteur du livre, il a dit, qalu arba'd al-arba'in, ils disent, après 40 jours, ta'tasil wa tusalli, elle prend les, elle se lave, elle prend les ablutions, wa in istamarra ad-dam, même si le sang continue. Donc, eux, ils disent que 40 jours. Et ces 40 jours, si ça arrive, même si le sang continue, elle se lave et prie. Mais d'autres ne sont pas d'accord avec cela. Qalu bi sittin. Ils ont dit 60 jours. Qalu, ils disent quoi? Ceux qui disent 60 jours. Taghtasil wa tusalli ba'da sittin. Elle se lave et prie après 60 jours. Illa, sauf iza sadafa waqtu haydiha. Sauf si le temps, le moment de ses menstrues coïncide avec les 60 jours. Ça va? Comme ça, elle continue. Mafoum? Amma, quant au fait, ils en kota'a ad-dam, si le sang est coupé, qabla zalik, après cela, fataghtasil wa tusalli. Elle se lave et elle prie. Wa illam tablouk, même si ce n'est pas arrivé, al arba'in aw sittin, 40 jours ou 60. Ok, ici on voit que il y a deux groupes de savants. D'autres disent la limite c'est 40 jours. Ça va? D'autres disent non, la limite c'est 60. Ça va? Wa hujjatu man qala bil arba'in, l'argument de ceux qui disent que c'est 40 la limite, c'est-à-dire le plus grand nombre de jours des lochis, c'est 40 jours. Et ils ont dit cela à travers le hadith de Umm Salama. Qalat, kana nufasa. Umm Salama dit, les femmes qui étaient en état de lochis, à la ahdi Rasulillah, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elles s'asseyaient, c'est-à-dire elles ne priaient pas, ba'da nifasiha arba'ina yawman ou arba'ina layla. Elle restait 40 jours ou 40 nuits, c'est la même chose. Mafoum? Walakin huwa hadithun da'if. Ce hadith est da'if. Il y a dans ce hadith Moussatul Awdiya Al-Azdiya qui est qala fiha ad-Daraqutni. Daraqutni a dit à son sujet la yuhtajju biha. On n'argumente pas avec son hadith. Kada fil Mughni, c'est venu aussi dans Al-Mughni de l'imam Zahabi. Wa qala fil Mizan, il a dit aussi dans Mizan, ba'da an naqala kalam ad-Daraqutni, après avoir rapporté la parole de Daraqutni, qultu, il dit la tu'raf illa fi hadith muksil mar'a fi nifas 40 yawman. C'est-à-dire cet homme là n'est pas connu sauf dans ce hadith là. Le hadith qui dit la femme doit s'asseoir pendant 40. À part ça, on ne le connaît pas. Dans toutes les riwayas des hadiths, on ne le voit pas si ce n'est pas là-bas. Ah, dans Mashkouk. Hein? Amrouhou? Mashkouk. C'est douteux. N'est-ce pas? Dans les hadiths, Zalika, la yuhtajju bi hadithi. On n'argumente pas avec son hadith. Wa hadithun? Daif. Taïb. Donc, ceux qui disent 40 jours, le hadith est daif. Wallazi qalu bi sittin. Ceux qui ont dit sittin, et ils se sont basés sur quoi? Qalu wa aktharu ma wujida min an-nisa. Ils disent c'est la majorité de ce qu'on trouve parmi les femmes. Elles font jusqu'à 60 jours. Et n'ont pas apporté de hadith. Et se sont basés sur Waqi'u An-Nisa. Parce que si le hadith il n'est pas sahih, on se base sur le Waqi' des femmes. N'est-ce pas? Et eux ils disent que la majorité des femmes c'est 60. Parce qu'il y a d'autres qui atteignent 40. Après 40 encore le sang vient. Est-ce que vous comprenez? Donc si nous disons que c'est 40-40, si le sang continue à venir, elle peut prier wa salatu wa ghayru sahiha. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on va maintenant sur 60. Et le cheikh Ali Rami dit la'alla hadha al-qawl aqrab. Il se peut que cette parole-là est plus proche, il a sawab vers ce qui est exact, wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Et cette parole qui est sittin wa huwa qawl Malik. C'est la parole de l'imam Malik, wa Shafi'i, wa Ahmad. Et l'imam Ahmad, fi riwayat anhu. Dans une riwaya de l'imam Ahmad. Pourquoi généralement on dit fi riwayat anhu? Parce que l'imam Ahmad il a beaucoup de riwaya. Parce que les ashabs de l'imam Ahmad, ils viennent souvent avec des riwayat. Fi masalatin wahida, dans une seule masala, ils peuvent avoir 5 riwayat, sur une seule masala. Donc dans une riwaya venant de l'imam Ahmad, rahimahullah, il soutient sittin. Wa fi qawli an Malik, et aussi dans la parole qui vient de Malik, il dit quoi? Yus'alu an zalika an nisa. On demande les femmes. Wa ahlul ma'rifa, et ceux qui connaissent, ceux qui ont l'expérience. Ça va? On leur pose la question. Ça va, les ahlul ma'rifa. Ce n'est pas ceux qui sont sages. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils font halt entre sagesse et puis tajarru, expérience. Ils vont trouver un vieux quelque part là-bas, non, le vieux, il est sage. À cause de quoi? À cause des barbes blanches, les cheveux blancs. Est-ce que barbe blanche, cheveux blancs, c'est signe de sagesse? Hein? Non. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si la barbe blanche, il a cheveux blancs, on peut dire non. Vraiment, il a beaucoup vécu dans la vie, il a vu beaucoup de choses. Indahu tajarru. Mais al-hikma, il faut qu'on revienne sur cette masala de hikma. Parce que souvent quand vous vous trouvez entre les gens, vous êtes beaucoup, il y a des vieux pères, et ils disent toujours, vous revenez vers nous. Parce que c'est nous, on a plus de sagesse. Hein? La hikma yati ba'd al-ilm. Ça vient après la science. Parce que la hikma c'est quoi? Wad'u shay fi mawdi'ihi. Mettre une chose à sa place. Si tu as la science, tu n'as pas la science, tu peux le faire. Hein? Hein? Tu ne peux pas le faire. Hein? Comme j'ai l'habitude de dire, une fois, j'étais dans une voiture avec un vieux. Il avait une barbe blanche. Masha'Allah. Il avait l'aspect de la sunna. Anna, zonantu fi khayran. J'ai pensé vraiment du bien en lui. Parce que l'aspect qu'il avait, tout ça. Et il a commencé à me conseiller. Mon fils, tu sais, la science est bon. Les gens qui vont étudier en Arabie Saoudite, qui viennent, ils ont la science, mais ils ne vont pas apprendre la coutume de leurs parents. Et connaître afin que la science qu'ils ont appris ne contredise pas la coutume. Si ça vient se contredire, ils essaient de voir, c'est ça qu'on appelle la sagesse. J'étais là, il dit, subhanallah, Allahu Akbar. La sagesse ici, c'est quoi? C'est que les coutumes, on regarde, finahiyati sharia. Dans la sharia, on regarde. Si les coutumes ne contredisent pas la sharia, fabinim. Mais si les coutumes contredisent la sharia, madanafal, nada'aha, on laisse tomber. Ou bien, mais lui dit, tu regardes, tu essaies d'adapter la coutume à la sharia, même si ça n'a, il ne convient pas. Et il dit, c'est ça la sagesse. Est-ce que c'est la sagesse? Là. Donc, la Bouddha en tout fait recouvaina haza wa haza. Mettez la différence entre ceci et l'autre. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. Celui à qui Allah lui donne la sagesse, Allah lui a donné un grand bien. Qu'Allah nous accorde la sagesse. Qu'Allah nous accorde la sagesse. Donc ici, voici, nous avons fini ce chapitre. Le chapitre de At-Tahara. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vues dans ce chapitre-là. De At-Tahara. Car l'imam Shawkani, il a juste résumé. Je ne pense pas qu'on ait vu Babul Awani. Le chapitre des récipients. On a vu ça? On n'a pas vu le chapitre des récipients. Ça va? Tayyib. Donc, Kitab al-Sola, le chapitre de la prière. Nous avons fini avec le chapitre de la purification. Kitab al-Sola, le grand chapitre de la prière. قال المؤلف رحمه الله لدليل يديك الله لفاس ميزيريكورد كتاب الصلاة le livre de la prière, c'est-à-dire le grand chapitre. الصلاة لغة, la صلاة dans la langue arabe c'est الدعاء, c'est l'invocation. قال تعالى comme Allah le Très-Haut dit وصلي عليهم. Invoque pour eux, inna salataka, car ton invocation. Ici, as-salat, c'est l'invocation. Son invocation, sakanun, c'est un apaisement pour eux. Donc ici, ay udu'lahum, c'est-à-dire invoque Allah pour eux. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ, lorsqu'on invite l'un d'entre vous, فَلْيُجِبْ, qu'il réponde, إِنْ كَانَ مُفْتِرًا, s'il n'est pas en jeûne. Ça va? وَإِنْ كَانَ صَائِمًا, mais s'il jeûne, فَلْيُصَلِّ. فَلْيُصَلِّ. Ici, فَلْيُصَلِّ, ça veut dire, أَلْفَلْيَدْعُ, qu'il invoque, pour celui qui l'a invité. Donc ici, il a utilisé quel mot? Fal yusalli. C'est-à-dire, c'est rapporté par l'imam muslim. Amma fi shar, quant au sens de la sola dans la législation, fahiya al-af'alu al-ma'louma, ce sont les actions qui sont connues, allati ki tabda bi takbir, qui commence par le takbirat al-ihram, wa tantahi, et qui finit bit-taslim, par le taslim. Wal aslu, la base physique du sola, dans la mention du mot sola, fil kitab wa sunna, dans le Coran et la sunna, annaha bil ma'na shar'i. C'est que le sens, c'est dans le sens de la charia. Le sens de la charia de la prière, c'est quoi? L'âme. Al afalu al ma'louma, des actions qui sont connues, allati tabda bi takbir wa tantahi bi taslim, qui commence par le takbir et qui se termine par le taslim. Mais quant au sens de la sola dans la langue arabe, le sens c'est quoi? Ad-du'a. Bon, dans les textes de la charia, lorsque la prière vient, ça vient dans quel sens? Dans mana shari'i ou bien mana al-lughawi? Mana shari'i. Ça va? Ça vient dans mana al-shari'i. Wa zalika aslu fi kulli mana. La base dans tout sens taqtarifu fihi al-ma'ani al-lughawi an al-shari'iyya. C'est-à-dire, le sens souvent de la langue arabe diverge des sens de la langue et de la charia. N'est-ce pas? Donc, c'est très important. C'est très important de connaître cela. Il y a mana istilahi, il y a mana shari'i, il y a mana lughawi. Et dans chaque science, que ce soit dans le fiqh, les fuqaha, ils ont les istilahat. Ils ont les jargons. Ça va? Les usuluyin, ils ont les jargons. Les ahlul aqida, ils ont les jargons. Les ahlul lugha, ils ont les jargons aussi. Un étudiant ancien doit connaître cela. Il doit connaître tout cela. C'est très important. Bien avant de rentrer dans un livre, il faut connaître les istilahat. Mais je vois certains qui se blaguent, qui disent, non, la différence entre moi et puis ce frère-là, c'est la langue arabe. Si je comprends net, je rentre dans les couteaux. Ah, vas-y, apprends. Si tu viens, il y a une autre réalité qui se présente devant toi. Hein? Si tu rentres dans le fiqh, et puis tu vas voir Kitab ou Yamin. Yamin, ça veut dire quoi dans la langue arabe? Hein? Hein, toi, ça veut dire la main? La droite. Bon, dans le fiqh, c'est écrit Kitab ou Yamin. Tu vas traduire comment? Là, le chapitre de la main droite. Hein? Donc, tu vas regarder maintenant dans le istilah des fuqaha. Le yamin, ça veut dire quoi? C'est le serment. Ça va? Le chapitre du serment. Car les arabes, min adatihim, kanu, lorsqu'ils voulaient faire un serment, kanu yarfauna, aïdiyahu, al-yamin. Ils soulevaient leur main droite et ils juraient. Donc, c'est resté dans les couteaux. Quand tu as fait le Coran. Hein? Comme Allah dit, dans surat al-Baqarah, la yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum. Ayman, c'est le diamant. Yamin. Hein? Billaghwi fi aymanikum. Allah ne vous saisit pas par les plaisanteries que vous faites dans les serments. Taïb. Donc il faut comprendre cela. Al-farq bayna المعنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي ومعنى الشرعي لابد من هذا لكل طالب العلم. Il doit connaître le sens de cela avant de se dire non, je rentre dans le livre. L'arabe c'est un outil. Après, l'arabe, tu veux rentrer dans une science, tu as besoin de quoi? De l'outil qui te permet de rentrer dans cette science. Ça va? Assalamu alaikum wa sallam. Donc ici, il dit « وَهُكْمُهَا مَعْلُومُ » Le jugement de la prière est connu. « لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدْ » Ce n'est pas caché pour quelqu'un. Quel est le jugement de la prière? Non. C'est « wajib ». N'est-ce pas? « وَسَانِ » Et aussi c'est le deuxième « رُكْمُ مِنْ أَرْكَانِ » à l'islam. Le deuxième prié, parmi les priés de l'islam. قال صلى الله عليه وسلم المساجد الله صلى الله عليه وسلم يدي بني الإسلام على خمس الإسلام يكونسل في سنك شوز شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية والصيام رمضان والحج متفق عليه ici dans le hadith de Jibril. Dans le hadith de Jibril, wa siyam Ramadan vient avant le Hajj. Mais le hadith de Ibn Omar, wa siyam Ramadan vient à la fin. Ça va? Donc ici, voilà pourquoi il a envoyé les deux riwayat. Donc, voici les cinq piliers de l'islam. La shahada, la prière, le jeûne, le hajj, et quoi? La zakat. Non? Qala Ibn Hazm, l'imam Ibn Hazm, il dit, la khilafa, il n'y a pas de divergence, min ahadim min al-umma, yani, qui vient d'une personne de cette communauté. Il n'y a pas de divergence. Anna salawat al-khams fard, que les cinq prières sont obligatoires. Wa man khalafa zalika kafara. Celui qui contredit cela est mécréant. Bijma al-muslimin. Hein? Wa dalil as-salawat al-khams min as-sunnah. La preuve qui montre que les cinq prières dans la sunnah, la preuve qui montre que c'est obligatoire, c'est le hadith de Tal'a ibn Ubaydillah. Qala ja'a rajul ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fa'iza huwa yas'alu an al-islam. Il a posé la question au sujet de l'islam. Fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, khamsu salawatin fil yawmi wal layla. Il a dit cinq prières par jour. Et l'homme lui a dit, qala hal alayya ghayruha, est-ce que je dois faire autre prière? Qala la. Il a dit non, illa an tatawwa'a, sauf si tu le fais par de façon surrogatoire. Muttafaqun alayh. Ici, ce hadith-là est un hadith qui est un peu long. L'homme, il est venu, dans plusieurs riwayats, il est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a posé la question au sujet de l'islam, de lui dire ce qui est obligatoire sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé des amal de l'islam. Ça va? Et chaque fois qu'il lui disait la prière, il disait, hal alayya ghayru, est-ce que je dois faire d'autres en dehors des cinq prières? Il a dit là, sauf si tu le fais par volonté. Ça va? Lorsqu'il venait avec la zakat, il lui disait, non, lorsqu'il venait avec le siyam, il lui disait, al alayya ghayru, est-ce que je dois faire autre? Il dit, sauf si, il vient de façon surrogatoire. Quand il a fini de poser la question, il a dit, la azidu ala zalika shay'an wa la ankus. Il dit, je ne vais rien ajouter, ni diminuer dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vient dans le char sunnah de l'imam Baghawi, le hadith vient, il vient avec les turuq, et il dit, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dakhal al-janna in sadaq. Il rentre au paradis s'il est véridique. Hada yadullu ala anna al-insan idha iqtasara, si c'est limité, aux obligations seulement, yadkhul al-janna, il rentre au paradis, même s'il n'a pas fait de surrogatoire. Si on regarde dans le hadith de Jibril, al-islam, c'est le sens qui est les cinq prières de l'islam. N'est-ce pas? Mais, il y a d'autres personnes parmi les gens qui se réclament de la sunna qui disent qu'il y a trois martabas. De ces trois martabas, il y a al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Celui qui se limite, qui est dans le martaba de al-islam, et il ne monte pas pour aller vers la martaba de l'iman, là, yadkhulu al-janna. Il rentre pas au paradis. Wa hadha sami'tuhu min ahadi. Nous avons entendu cela de certains d'entre eux qui disent cela. Wa hadha jahl. C'est une ignorance. Ça va? Ar-rajul idha iqtasara ala umur al-islam az-zahira, comme la prière, la shahada, le jeûne, la zakat et tout ça, et il se limite seulement à l'obligation, alors il rentre au paradis. Comme Allah a donné les différents types de personnes, summa awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum المقتصد ومنهم سابق بالخيرات. C'est-à-dire, Allah a divisé les gens en trois catégories. Zalimun, les nafsis, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Et ils ont fait les mauvaises actions. Waminhum muqtasid. Muqtasid, c'est qui? C'est ceux qui sont limités aux obligations. Waminhum sabiqun bil khayra. Il y a d'autres qui sont les sabiqun as-sabiqun. Comme Allah dit dans surat al-Waqi'a. C'est-à-dire, ils ont fait plus de bonnes actions. Ça va? نصر الله عليه وسلم قال ابن منذر رحمه الله ابن منذر يجي لا اختلاف il n'y a pas de divergence ان الظهر que la prière du jour 4 ركعات que c'est 4 ركعات والعصر la prière du asr 4 ركعات c'est 4 ركعات والمغرب 3 المغرب c'est 3 ركعات والعشاء 4 العشاء c'est 4 ركعات والصبح لا بيال الصبح ركعتان سدوا ركعت هذا فرض المقيم ولا l'obligation pour celui qui est résident, celui qui n'est pas en voyage. مفهوم؟ وأما المسافر quant au voyageur فرضه ركعتان. Ce qui est obligatoire sur lui c'est deux ركعت إلا المغرب sauf المغرب. فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم. L'obligation du musafir en cela est comme l'obligation de celui qui est résident. Ils ont les mêmes mérites. Mafoum, même si le voyageur, Allah subhanahu wa ta'ala lui a déchargé. On appelle cela ar-rukhsa. Une facilité. N'est-ce pas? Payé. Sinon, il peut prier 4 à 4 s'il est en voyage. Mais à Sunna, il prie 2 à 4. Ça va? Mais si je trouve devant des gens qui ne connaissent pas, alors il prie 4 à 4 avec eux. Les Allahs s'il y avait le fitna. Ils ne viennent pas avec la fitna. Ou bien, il se trouve parmi les gens qui ne connaissent pas cette Sunna-là, qui sont très ignorants. Alors, min bab el maslaha, il prie 4 rakats avec eux. Parce que quand on a une abad shabab, on a vu certains jeunes, parce qu'ils vont dans les villages, ils arrivent là-bas, les gens ils ne connaissent pas cela. Ils commencent à prier 2 rakats, les gens, yattehimounam. Les gens les blâment, les gens les accusent. Non, lui là, il te sait que là. Hein? Parce qu'ils ne connaissent pas. Même si tu les envoies les hadiths là, ils vont dire non. Inna wajadna alayhi aba'ana ala umma. On a trouvé nos papas si quelque chose. Wa inna ala aksarim muqtadun. On suit les voies. Non, quelque chose ce que tu vas dire, c'est aussi pour les esprits qui comprennent. Mais pour ne pas qu'ils te blâment, pour dire ceux-là n'ont pas d'in, pour ne pas que cela fasse fuir ces personnes, prie 4 à 4. Hada. C'est une facilité. Ça va? C'est une facilité. Mais certains frères ont compris que si tu ne pries pas même 2 rakats, tu pries 4 rakats à prier, mais n'est même pas accepté. Parce que comme ça, ils ont compris. Ça va? La Bouddha m'a tenbi. Il faut attirer l'attention sur cela. Surtout si tu te trouves derrière un imam. Parce que certains aussi, ils font cette erreur-là. Ils se trouvent derrière un imam. L'imam fait 4 à 4, lui arrive à 2 à 4, il s'assoit. Il attend l'imam. L'imam attend à 9. Pourquoi tu te fatigues? Il attend l'imam, l'imam n'a qu'à finir les deux autres, n'a qu'à venir le trouver. Wa da khalafa sunna. Baru ulama, khalu anna salata ou ghayr sahiha. La prière n'est pas autonome. Parce que innama ju'ila l'imam li yutamma bihi. L'imam a été placé pour être suivi. Pourquoi t'attaques un imam? Pourquoi tu retardes? Tu délaisses ton imam parti. Prie avec lui 4 à 4, même si tu es en voyage. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.